La déclaration conjointe du ministère de la Sûreté nationale, du ministère de la Sécurité du peuple et du parquet central de la République populaire démocratique de Corée a été reproduite par les médias étrangers tels que l'agence de presse russe TASS, l'agence de presse mongole Motsamé, la télévision Genius et le journal Hindustan Times de l'Inde, ainsi que ceux du Pakistan, de Tchèque, de France, de Turquie, d'Égypte et du Venezuela.